acheter un appartement, c'est avoir la vie devant soi. Quitter un appartement, c'est avoir du sel dans la voix. On doit faire toute la vaisselle et le ménage, vider le frigo et finir les laitages, et puis trier, et puis prier, plier bagage. Quitter un appartement, c'est délaisser la nostalgie. Quitter son appartement, c'est blanchir le noir de sa vie. L'état des lieux de ton âme se met à jour. Autour des murs sales, tu fais un dernier tour. C'est le dernier, c'est ton dernier, dernier séjour. Quitter un appartement pour une blonde qui t'a laissé là. Quitter un appartement pour retrouver le célibat. Ton logement n'était rien de plus qu'un symbole de quand tu étais le roi du rock'n'roll. Maintenant l'idole, elle a sombré, dans l'alcool.